Section 17 de la bête du Gévaudan. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La bête du Gévaudan par Élie Berthet. Chapitre 17. Le couvent. L'abbaye de Frontenac s'élevait, comme nous l'avons dit, à quelque distance de la petite ville de Florac, dans une de ces situations pittoresques, saines, avantageuses, que les moines savaient si bien reconnaître quand ils choisissaient le lieu de leur demeure. Elle était assise dans une plantureuse vallée, et son climat n'avait rien de l'âpreté inhospitalière du nord de la province. Les arbres fruitiers, la vigne, le mûrier, connus seulement de nom dans le haut pays, prospéraient autour du monastère avec les céréales qui nourrissent l'homme et les plantes fourragères qui nourrissent les bestiaux. La vallée de Frontenac appartenait déjà à cette région bénie qu'on appelle le Midi de la France. C'était déjà le Midi, avec son ciel bleu, son soleil pur et ses bouffées ardentes du Sirocco. Sans doute, les longues chaînes de montagnes qui s'étendaient à l'horizon comme des barrières d'azur lui envoyaient aussi, par intervalles, leurs nuages orageux, leurs torrents dévastateurs, leurs tourbillons de neige. Mais la nature avait tant de puissance et de fécondité sur ce coin privilégié que ces désastres étaient bien vite réparés et que chaque année finissait toujours par apporter son contingent d'abondance et de richesse. La fondation de la maison religieuse établie dans cette vallée remontait, comme nous le savons, à une haute antiquité, et plusieurs de ses prophètes avaient joué un rôle important dans l'histoire des provinces de la Languedoc. Les moines de ce couvent étaient de ces compilateurs érudits, célèbres sous le nom de bollandistes, de bénédictins, qui se livraient à des travaux historiques et littéraires. Bon nombre des infolios poudreux qui surchargent encore les rayons de nos bibliothèques publiques ont été composés dans les cellules de Frontenac. Aussi, l'élévation et l'étendue des bâtiments témoignent-elles de l'importance de cette illustre abbaye. On y retrouvait à la fois l'architecture fleurie des XIIe et XIIIe siècles et les surfaces planes, les angles droits des constructions modernes. Ça et là, des pignons délabrés, des pierres calcinées par l'incendie, rappelaient les révolutions, les désastres qu'elle avait éprouvés. Mais l'ensemble des constructions qui se développaient sur plusieurs cours avait un aspect majestueux. Les cloîtres surtout étaient magnifiques, et un parc immense, ombragé d'arbres séculaires, offrait aux religieux de longues allées favorables à la méditation. En dehors de ce vaste assemblage de bâtiments, existait un pavillon isolé, avec un jardin particulier et une entrée spéciale. C'était, pour ainsi dire, la partie séculière de l'abbaye. On l'appelait le pavillon des hôtes. Il servait de logement aux personnes qui avaient affaire au couvent, aux parents, aux amis des religieux, aux simples visiteurs même, et tous y étaient défrayés avec une hospitalité somptueuse. Là demeurait aussi Léonce, à qui sa proche parenté avec le prieur tout-puissant de Frontenac avait mérité une pareille faveur. L'élève chéri du monastère occupait dans ce corps de logis un petit appartement composé d'une chambre à coucher et d'un cabinet de travail. Tant qu'il avait été enfant, une vieille gouvernante l'avait soigné avec une tendresse maternelle. Plus tard, un frère laid était venu remplir auprès de lui les fonctions d'un domestique attentif et dévoué. Quant à l'éducation et à l'instruction de Léonce, elle avait été particulièrement l'œuvre de son oncle le prieur, mais les autres pères de Frontenac y avaient pris aussi une grande part. Tout ce que l'abbaye renfermait de linguistes, d'historiens, de mathématiciens, de théologiens, s'était fait un plaisir d'orner l'esprit de ce bien-aimé pupille du couvent, et jamais jeune homme n'avait eu plus de maître éminent dans les diverses branches des connaissances humaines. Aussi Léonce était-il un prodige d'érudition, en même temps que l'habitude de voir au pavillon des hôtes nombreux, gens distingués pour la plupart, lui avait donné insensiblement l'usage de ce monde au milieu duquel il devait vivre un jour. Mais depuis que Léonce était revenu de Mercoire avec son oncle, à la suite des événements que nous connaissons, tout avait bien changé de face dans le tranquille pavillon des Hôtes. L'habitant de ces lieux, autrefois sédentaire, silencieux, toujours absorbé par l'étude, était devenu bruyant et dissipé. Il sortait ou rentrait à toute heure du jour et de la nuit. Il s'entourait de personnes étrangères au couvent. Il montait à cheval, et ses chiens de chasse troublaient parfois de leurs aboiements l'office de l'église voisine. Dans son cabinet de travail, les instruments de mathématiques se couvraient de rouille, les sphères étaient rongées de poussière, les livres, empruntés à la riche bibliothèque de l'abbaye, gisaient sur le plancher, tandis que les meubles étaient chargés de fouets, d'éperons, de fusils. En un mot, l'habitant du pavillon avait passé subitement de la vie studieuse et contemplative à la vie active et turbulente qui annonce l'âge des passions. Cependant, ce changement n'avait paru ni surprendre ni affliger le prieur et les autres dignitaires de Frontenac. Loin de là, on souriait avec indulgence aux dissipations de Léonce, et son oncle, avec une complaisance qui semblait toucher à la faiblesse, lui permettait de se livrer sans contrainte à ses goûts. Quelques moines de rang inférieur murmuraient bien parfois contre les bruyants écarts du jeune homme émancipé. Mais on ne les écoutait pas. Le neveu du prieur conservait une indépendance absolue dans sa conduite, et s'il était soumis à une surveillance, cette surveillance soigneusement dissimulée ne pouvait lui donner aucun ombrage. On atteignit ainsi le commencement de l'hiver, par une belle matinée de novembre. Léonce était parti pour la chasse avec son piqueur et son domestique. Impatient de le revoir, le père Bonaventure eut la fantaisie d'aller au-devant de lui. Il sortit donc de l'abbaye, et ouvrant son bréviaire, il suivit à pas lents un chemin bien entretenu qui s'enfonçait dans la campagne. Quoique le froid eût exercé déjà ses rigueurs dans les montagnes environnantes, l'heureuse vallée de Frontenac n'en avait pas subi trop cruellement les atteintes. L'herbe était verte encore et les châtaigniers n'avaient pas perdu leur feuillage. D'ailleurs, un soleil chaud, quoique pâle, réjouissait la nature et faisait chanter les oiseaux dans les buissons. Le prieur, après avoir terminé la lecture de l'office du jour, vint s'asseoir sur le parapet d'un pont de bois, d'où l'on découvrait un vaste paysage. Ce pont était la limite de ses promenades, et c'était aussi là que son neveu le rejoignait d'ordinaire. Cette fois encore, l'attente du père Bonaventure ne devait pas être vaine. Bientôt, un coup de feu et des aboiements lointains lui annoncèrent le retour des chasseurs. Puis Léonce lui-même sortit d'un taillis, le fusil sur l'épaule, suivi de ses piqueurs et de ses chiens. Mais en attendant que son neveu l'eût rejoint, le moine jeta machinalement un regard du côté opposé, et il remarqua un objet qui ne manqua pas de distraire son attention. C'était une litière fermée que portaient deux mulets, l'usage des voitures étant alors impossible dans ces régions montagneuses. Outre le muletier, qui marchait en avant, quatre laquais à cheval escortaient la litière. Cette petite caravane descendait un des coteaux qui dominait la vallée et se dirigeait vers l'abbaye. Le prieur devint pensif. « Qui se peut-il être ? » se demanda-t-il. « Nous n'attendons personne au couvent, à moins que quelqu'un de ces pauvres gentilshommes du voisinage qui apprécient fort notre chère. Mais non, ces gentilshommes viendraient à cheval. C'est une dame ou un ecclésiastique qui voyage de cette façon. Une dame ne serait pas admise à l'abbaye. Il faut donc que ce soit, mais un ecclésiastique ainsi accompagné doit être fort éminent en dignité. » Il se tut et examina de nouveau les voyageurs. « Bah ! » reprit-il enfin, « ce que je redoute ne saurait être, du moins de sitôt. Les bruits qui sont parvenus jusqu'à moi n'ont rien de positif. Il s'agit tout bonnement, je gage, de quelque révérend père de Saint-Énimie qui vient rendre visite à notre abbé. » Il fut interrompu dans ses réflexions par Léonce, qui, précédant son monde, accourait accompagné seulement d'un beau limier noir à taches de feu. Le neveu du prieur semblait avoir grandi et avoir acquis une vigueur nouvelle depuis 3 mois. Son teint était maintenant bruni par le soleil et l'exercice. Il avait un aspect mâle, une contenance assurée, qui ne rappelait en rien sa timidité cléricale d'autrefois. Il portait un élégant costume de chasse en drap vert, galonné d'or, et ressemblait plutôt à un jeune et brillant gentilhomme. Ami des plaisirs bruyants et des joies mondaines, qu'à cet écolier studieux élevé à l'ombre du cloître, qui récemment demandait, comme une grâce, de prononcer des vœux à l'abbaye de Frontenac. Néanmoins, Léon n'avait rien perdu de son respect pour son oncle et son bienfaiteur. En approchant de lui, il ôta son chapeau et alla baiser la main du père Bonaventure. Ce fut seulement, après s'être acquitté de ce devoir, qu'il s'écria d'un ton joyeux. « Bonne nouvelle, mon oncle. Une chasse magnifique. Un renard et 2 lièvres tués de plus de 60 pas et toujours à balle franche. Denis, mon piqueur et mon précepteur en vénerie est dans le ravissement. Quant à moi, je n'ose me prévaloir encore de mes succès. Je les attribue surtout à l'excellence de cette carabine de liège que vous m'avez donnée et aussi à l'instinct merveilleux de ce limier que vous avez trouvé moyen, je ne sais comment, de détourner d'une meute princière. » Et il caressait distraitement le bel animal qui bondissait autour d'eux en agitant sa queue effilée. « Pas tant de modestie, mon enfant, » dit le moine avec bonté. « Ces succès sont dus avant tout à votre adresse. Mais je suis ravi que votre limier se conduise bien, et pour compléter votre équipage de chasse, vous allez trouver à l'abbaye le chien de Jean Godard, ce dogue courageux qui seul, de tous les chiens du pays, a osé poursuivre et attaquer la bête du Gévaudan. Serait-il possible, mon oncle ? Mais j'avais entendu dire que monsieur de la Roche-Boisseau. Le baron, en effet, avait compris, comme vous, l'importance d'un pareil auxiliaire, car il paraît avoir adopté un plan de campagne analogue au vôtre. Il a donc fait offrir à Jean Godard 20 louis pour la possession de son chien. Mais j'en avais déjà donné 40, et Jean Godard vient de m'envoyer ce vigoureux animal que vous trouverez à l'attache dans l'écurie du pavillon. C'est pour vous annoncer cet heureux résultat de mes efforts que je suis venu au-devant de vous. » Léonce était transporté de joie, et il exprima chaleureusement ses remerciements au prieur. « Mais alors, mon cher oncle, poursuivit-il, qui m'empêche de me mettre dès à présent à la poursuite de la bête ? Mon éducation de tireur et de chasseur est terminée. Mon équipage est prêt. Denis et Gervais, mon second piqueur, me sont également dévoués. Ils me suivront en quelque endroit que j'aille. Pourquoi tarderiez-vous à me donner congé ? D'après les derniers rapports, la bête est cantonnée dans les montagnes de Mezenc, dont on ne peut la débusquer. Sans aucun doute, nous la trouverons là-bas, et si Dieu nous favorise. Léonce, mon enfant, dit le moine en soupirant, pourquoi tant vous presser de courir les hasards d'une telle entreprise ? Je crains de vous exposer. Et puis, j'espère toujours qu'un événement nouveau pourra vous dispenser de recourir à cette extrémité. Et, mon oncle, comment changer des faits accomplis ? Je vous en conjure, ne me retenez pas davantage. Monsieur de la Roche-Poisseau est, m'a-t-on dit, entièrement guéri de sa blessure. Il pourrait profiter de mes lenteurs pour gagner la récompense promise. Or, si ce malheur arrivait, je n'y survivrais pas. Ne dites pas cela, Léonce. Vous ne savez pas combien de pareilles éventualités me désolent. Et pensez que certainement vous ne seriez pas le seul à en souffrir. Elle aussi, cette jeune fille orgueilleuse, elle mourrait de chagrin et de honte si elle se voyait dans l'obligation d'accepter un mari qui ne serait pas digne d'elle, ingrate et imprudente. Elle a, par une insigne folie, déconcerté les plans les plus sages. Vainement, depuis qu'elle a prononcé ce vœu funeste, lui ai-je proposé de l'enfer relevé par le chef de l'Église. Malgré la douceur et la soumission qu'elle montre aujourd'hui, elle a refusé d'y consentir, et elle m'a répondu, avec sa fierté ordinaire, qu'une fille de la maison de Barjac ne devait, dans aucun cas, renier sa parole. « Et peut-être, mon oncle, a-t-elle raison, » dit Léonce avec mélancolie. « Personne, plus que moi, ne regrette ce fatal serment. Mais ne semble-t-il pas que le meilleur moyen de l'expier, c'est de le tenir ?» Pendant cette conversation, le prieur et son neveu revenaient lentement vers l'abbaye. Ils furent rejoints par Denis et Gervais qui portaient l'un les fusils et l'autre le gibier de leur maître. Denis était un homme de 60 ans, à figure honnête, qui, malgré son âge, conservait une santé de fer et un jarret infatigable. Gervais, beaucoup plus jeune, semblait avoir la simplicité, mais en même temps la franchise et la droiture des montagnards. Le moine s'arrêta et leur sourit. « Bonjour, mes braves gens, » dit-il avec sa bienveillance accoutumée. « Je suis fort aise de vous voir pour vous remercier de vos soins affectueux, de votre dévouement à l'égard de ce cher enfant. Quel élève vous avez fait là, maître Denis ? Mais croyez-vous vraiment qu'il soit en état d'affronter cette terrible bête du Gévaudan ? Et, sauf votre respect, mon révérend père, répliqua Denis avec enthousiasme, notre jeune maître serait capable d'affronter le diable si la peau du diable pouvait être transpercée par une balle. Je voudrais que votre révérence eût vu comment il a tué ce renard, pas plus tard que tout à l'heure. Un lingot dans la tête de 62 pas de distance. On ne peut demander mieux à la poudre et au plomb. J'en suis renversé moi-même. Jamais je n'ai vu une pareille adresse, un coup d'œil aussi sûr, aussi rapide. Et puis, comme M. Léonce manie le couteau de chasse, il ne manquera jamais un chevreuil au défaut de l'épaule, je vous le garantis. Ne faut pas se glorifier soi-même, mais considérant que M. Léonce n'a reçu de leçons que de moi. Vous avez raison, Denis, répliqua le prieur avec gaieté. On doit être juste, même envers soi-même. Eh bien, vous allez prendre le pas sur nous pour rentrer à l'abbaye et vous débarrasser au plus vite de vos fardeaux. Puis vous irez trouver de ma part le père économe, et lui dirai de vous remettre à vous, Denis, 20 louis, et à vous, Gervais, 10 louis. Continuez de servir fidèlement mon neveu. Vous en serez récompensé. » Denis et Gervais, transportés de joie, voulaient remercier le prieur de sa générosité. Mais le père leur fit signe qu'il désirait demeurer seul avec Léonce. Aussi se contentèrent-ils de s'incliner, et ils reprirent leur course vers le couvent. Quand ils se furent éloignés, Léonce reprit timidement. « J'admire votre libéralité, mon oncle, mais je crains parfois qu'elle ne vous soit onéreuse. Mes fantaisies vous coûtent de grosses sommes. Ces scrupules auraient-ils pour cause les dons que je viens de faire à ces pauvres gens ?» demanda le prieur en souriant. « Que cela ne vous inquiète pas, Léonce. Vous pouvez rémunérer dignement tous les services qui vous seront rendus. Et dans ce but, j'ai placé moi-même ce matin sur votre table un rouleau de 100 louis dont vous userez comme il vous conviendra. Je suis confus de vos bontés, mon oncle, et je ne sais si je dois accepter en toute sûreté de conscience, mon enfant, car ce bien est le vôtre. Vous avez été trop délicat jusqu'ici, Léonce, pour vous enquérir de votre fortune patrimoniale. Mais elle est considérable, et quand je vous en rendrai compte, ce qui maintenant ne saurait tarder, vous verrez qu'elle a été administrée avec sagesse. Disposez-en donc dès à présent. Vous avez appris chez nous la sobriété, la prudence, la modération dans les désirs. Vous userez avec mesure de votre richesse, j'en suis convaincu. » Léonce allait répondre quand la cloche principale de l'abbaye fut mise en branle comme les jours de solennité religieuse. « Qu'est-ce si, mon oncle ? » demanda-t-il en tressaillant. « Je l'ignore. Il n'y a pas d'office à pareille heure. Il faut donc que cette sonnerie annonce l'arrivée d'un supérieur ou bien la réunion immédiate du chapitre, et peut-être l'un et l'autre. Or, comme notre excellent père, Abbé souffre en ce moment d'un de ses accès de goutte et de rhumatisme, il faut aller vite à son secours. Ainsi, Léonce, je vous prie de presser le pas. » « Volontiers, cher père, mais ne devinez-vous pas la cause ? » « J'espère encore qu'il s'agit d'une visite d'apparat. Précisément, Monseigneur l'évêque demande à commencer sa tournée pastorale depuis quelques jours. Mais, reprit Bonaventure, en apercevant un religieux qui se dirigeait vers eux tout en âge, « que nous veut le père Anselme ? Il faut une circonstance extraordinaire pour l'avoir décidé à courir. » En effet, un gros moine haletant, dont la figure habituellement épanouie, exprimait en ce moment le trouble et l'inquiétude, les atteignit bientôt. « Ah, cher père prieur, s'écria-t-il, hâtez-vous de venir. Jamais notre sainte maison n'a été dans un tel désarroi. On perd la tête, on vous cherche partout. Votre présence seule pourra nous rassurer. » « De quoi s'agit-il donc ? » demanda Bonaventure en marchant du même pas. « L'hôte qui vient d'arriver n'est-il pas Monseigneur l'évêque de Mende ? » « Hélas, non, père prieur, c'est bien un évêque, mais non celui de Mende. Il s'appelle Monseigneur de Cambie, évêque d'Alep, in partibus, et il s'intitule commissaire du roi, prélabé et le chapitre de Frontenac. « Commissaire du roi ? » répéta Bonaventure, qui ne put s'empêcher de pâlir. « Et pourquoi le pouvoir temporel interviendrait-il dans les affaires de notre paisible communauté ? C'est ce que vous devez savoir mieux que moi, père prieur, mais Monseigneur de Cambie nous parle à tous avec un ton sévère auquel nous ne sommes pas habitués. Il prétend être chargé des ordres formels du roi et de Monseigneur l'évêque de Mende, dont nous ressortissons. À peine entré, il a refusé les rafraîchissements que nous nous étions empressés de lui offrir. et il a commandé d'assembler le chapitre, non pas le grand chapitre, formé de tous les pairs de Frontenac, mais le petit chapitre, composé seulement des dignitaires du couvent. On a obéi, car on tremble déjà devant lui, et les membres du petit chapitre sont réunis dans la chambre de l'abbé. Mais ce qui vous étonnera surtout, révérend prieur, c'est que Monseigneur s'est d'abord informé de vous. De moi ? Oui, et en apprenant votre absence, il a paru craindre que vous n'eussiez quitté le couvent pour toujours, ce qui l'a fort irrité. Il s'est apaisé seulement quand il a su que vous étiez sorti pour une simple promenade. Le père abbé est dans des transes mortelles. Il m'a chargé de courir au-devant de vous et de vous supplier de vous hâter. Eh bien, votre tâche est finie, père Anselme, et nous voici enfin arrivés. Que Dieu nous préserve de tout mal. On entrait en effet dans la première cour de l'abbaye. Cette cour, si calme d'habitude, présentait en ce moment un aspect animé. La litière que le père Bonaventure avait aperçue était encore toute attelée dans un coin. Les quatre laquais de l'escorte avaient mis pied à terre, mais ils restaient immobiles, le bras passé dans la bride de leurs chevaux, comme s'ils eussent attendu des ordres. Des frères laids erraient autour d'eux en paraissant réciter leur chapelet qui s'agitait bruyamment dans les plis de leur robe. Quelques pères, groupés à l'entrée d'un corridor qui conduisait à l'appartement de l'abbé, causaient avec chaleur, tandis que la grosse cloche du monastère continuait d'ébranler le vieil édifice de ses tintements sonores. À l'arrivée du prieur, on se tut, et tous les yeux se tournèrent vers lui. Mais, soit que la règle de la maison défendit de questionner un supérieur, soit qu'on eût déjà connaissance de quelque rumeur défavorable au père Bonaventure, personne n'osa lui adresser la parole, et l'on se contenta de s'incliner sur son passage. Le prieur, de son côté, avait repris sa sérénité. Après avoir franchi le porche de l'abbaye, il dit amicalement à son guide « Merci de vos peines, père Anselme. Mais, comme vous ne faites pas encore partie du petit chapitre, nous devons nous séparer ici. Je vais monter chez notre révérendissime abbé. Vous, cher père, priez Dieu. À quelle intention, s'il vous plaît ? Demanda le moine avec une curiosité mal dissimulée. Afin que Dieu nous donne à tous la force de remplir un devoir pénible et nous fasse éviter le scandale. Et il doubla le pas, laissant Anselme fort intrigué de cette réponse. Comme il allait franchir la porte du corps de logis habité par l'abbé, Bonaventure se sentit retenu doucement, et Léonce, qui ne l'avait pas quitté, lui demanda d'un air inquiet « Mon oncle, de grâce, que se passe-t-il donc ? On dirait qu'un malheur vous menace. Ne pourriez-vous m'apprendre ?» Bonaventure sourit. « Rien, ce n'est rien, mon fils, reprit-il. Vous auriez tort de vous alarmer. Il s'agit sans doute d'une affaire de discipline intérieure qui sera facilement réglée avec sa grandeur, Monseigneur, l'évêque d'Alep. Rentrez au pavillon, Léonce, et ne songez plus à tout ceci. Et tenez, ajouta-t-il d'un air de réflexion, puisque vous avez un si vif désir de vous mettre en campagne pour chasser la bête du Gévaudan, je ne vois pas pourquoi je résisterai plus longtemps à vos vœux. Faites donc dès à présent vos préparatifs de départ. À l'issue du chapitre, j'irai vous voir à votre appartement et nous conviendrons des dernières dispositions à prendre. « Quoi, mon oncle ? » s'écria Léonce tout joyeux. « Vous consentirez enfin ?»« Il le faut bien, méchant enfant, puisque vous êtes si impatient de partir. Je ne suis pas encore bien décidé à cette séparation, et je veux m'éclairer sur divers points avant de vous congédier définitivement. Cependant, ne laissez pas de tout disposer comme pour quitter l'abbaye ce soir même. À bientôt donc, mon cher Léonce. On m'attend. Que Dieu vous garde. » Il sourit encore, salua de la main et entra dans le couvent. Léonce avait le pressentiment que son oncle n'était pas aussi calme qu'il voulait le paraître, mais la joie l'empêcha de remarquer une foule de circonstances qui, en tout autre temps, eussent éveillé ses soupçons, et il regagna le pavillon des hôtes. Fin de la section 17, lue par Margot.